éternelle. La vie des femmes incroyables qui ont marqué l'histoire. Cette fois-ci, je voudrais vous parler d'une femme qu'on a trop souvent transformée en mythe, en icône, en princesse parfaite. Son nom, et vous le connaissez certainement, c'est Grace Kelly. Elle naît en 1929 à Philadelphie, dans une famille catholique irlandaise très stricte. Son père est champion olympique d'aviron, sa mère une ancienne professeure de sport. Chez les Kelly, on élève les filles comme les garçons, avec discipline, exigence, ambition. Mais dès l'enfance, Grace rêve cependant d'autre chose. Elle voudrait être sur scène, au théâtre, au cinéma. Son père désapprouve. À l'époque, être actrice, c'est presque une honte, un acte de rébellion. Mais elle s'obstine, quitte la maison, s'inscrit à une école d'art dramatique et, lentement, impose son nom. À Hollywood, on la surnomme la glace et le feu. Froide, mystérieuse, mais brûlante par son talent. Elle refuse de se laisser enfermer dans l'image de la jolie blonde que les studios adoraient fabriquer. Dans Fenêtre sur cour, la main au collet où le crime était presque parfait, elle devient l'héroïne d'Alfred Hitchcock. Élégante, oui, mais surtout intelligente, audacieuse, pleine de désir et de pouvoir. Ce qui rend Grace Kelly fascinante, c'est qu'elle refuse de jouer les femmes parfaites dans ses films. Et puis vient 1956. Elle a 26 ans, est au sommet de sa gloire, a un Oscar en poche. Et elle quitte tout. Elle dit au revoir à Hollywood pour épouser le prince régné de Monaco. Le monde entier se précipite pour raconter le conte de fées. L'actrice est devenue princesse. Mais là encore, Grace a décidé cela. Elle ne se retire pas du monde par contrainte, mais par conviction. Elle veut vivre autrement, loin du système d'Hollywood où les femmes sont dirigées, modelées, effacées derrière leur image. À Monaco, elle n'est pas qu'une figure décorative. Elle crée la fondation Princesse Grace, soutient les artistes, les femmes, les enfants, transforme le rocher en un espace culturel vibrant. Elle s'investit dans l'éducation, la charité, la culture et... tout en respectant les codes monarchiques, elle redéfinit ce que veut dire être une femme de pouvoir. On l'a souvent décrite comme douce, effacée, presque fragile. Mais en réalité, Grace Kelly était une féministe silencieuse. En refusant les rôles qui rabaissaient les femmes, en imposant sa voix dans un monde d'hommes, puis en redéfinissant son rôle de princesse, elle a fait de ce choix son plus grand acte de liberté. Oui, Grace Kelly, c'était la beauté, la classe, la légende. Mais surtout, c'était la volonté, car elle a refusé que quiconque décide de sa vie, si ce n'est elle-même.